bonsoir. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Le 43 Alfred du Méril, une adresse. Une adresse, le 31400, Toulouse, France. Un téléphone, le 05 61 53 36 95, Canal Sud. L'émission Nuisance n'est pas responsable de ses actes, c'est la faute à Canal Sud. Donc si jamais il y a un problème, attaquez en justice. Mais pas moi, quoi. Ça sert à rien. Ça vaut pas le coup. J'ai pas beaucoup de thunes, quoi. Par contre, Canal Sud, eux, ils peuvent en avoir avec des subventions. Donc peut-être moyen d'avoir du blé si vous attaquez en justice la radio. Pour, je sais pas, propos disgracieux. Quelque chose comme ça. Pardon, j'ai un problème technique, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un peut appeler le président de Canal Sud pour m'expliquer un truc sur la table de mixage? J'ai pas tout à fait compris. Ah merde, c'est pas l'antenne, il faut que je parle au téléphone. Je suis con. Allô, la police, il y a un dégénéré dans la salle. We'll be right back. n'a laissé à sa mort en 1975 que quelques fragments d'une introduction à la politique qui devait compléter son opus magnum paru en 1958, La condition de l'homme moderne. Il s'agit vraisemblablement du mot ASTI, dont H. G. Liddell et R. Scott, Greek English Lexicon, Oxford Current Edition, 1968, page 263, donnent la signification suivante au sens matériel par opposition à la police. La police. Ce lien étroit du politique avec le monde d'Homère est extrêmement important pour comprendre notre concept de liberté politique tel qu'il apparaît à l'origine dans la polis grecque. Et ce non pas seulement parce qu'Homère a fini par devenir l'instituteur de cette polis, mais parce que pour les Grecs, l'organisation et la fondation de la polis étaient très étroitement liées à des expériences qui se produisirent à l'intérieur du monde d'Homère. Ainsi a-t-on pu faire remonter sans difficulté le concept central de polis libre, c'est-à-dire d'une polis qui n'est pas dominée par un tyran. Bonsoir, vous écoutez Canal Sud 92.2 FM, Canal Sud.net. Ce soir, c'est une expérience libre, une expérience sans libre, surtout le côté technique. Le son est très mauvais à cause des autres qui font du son à ma place. Mais bon, on va essayer quand même, quoi. Yeah. On trouve que c'est important de passer de la musique, de la vraie belle musique. Alors pour ce faire, on arrête tout. En général, on arrête tout comme ça. Et ensuite, on met de la musique, quoi. De la belle et grande musique. Merci, Nuisance. En Dieu et agit dans le droit chemin. Abu Amra ou Abu Amra, Soufiane ibn Abd Allah, que Dieu l'agrée, rapporte ceci. J'ai demandé à l'envoyé d'Allah, que Dieu lui accorde grâce et salut, de m'enseigner à propos de l'islam une parole qui me dispensera de la solliciter ailleurs. Il me répondit Kulamantu bil lahi tuma stakim, qui signifie dit j'ai foi en Allah, ensuite agit dans le droit chemin, rapporté par Muslim. Thank you. résister, Henri David Thoreau, à la tentation du laisser-faire, au réformisme, à l'esprit commercial des temps modernes. Eh bien, sur l'âme de mon père qui est défunt, si vous n'êtes joyeux, je vous donnerai ma tête. Levez la main sans plus d'ample discours. La réforme et les réformateurs. Les réformateurs seront sans doute aucun des véritables ancêtres de la génération prochaine. Le conservateur appartient à une famille en déclin. Il n'a pas appris que celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Tous deux, le réformateur et le conservateur, sont malades. Et l'un est déjà convalescent. Son mal n'est pas organique, bien qu'aigu. Il attend plein d'espoir le printemps à venir. Lui ne souffre pas d'un désordre incurable, de peste ou de phtisie. Non, il souffre de la tradition, de la conformité et des manquements aux devoirs. Quant à l'autre, il continue de prendre patiemment les médications amères de charlatan et son état ne fait qu'empirer. Excusez-moi, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. We'll be right back. Bienvenue, Nuisance est là pour s'enculer elle-même. distance dans le temps, mais une distance dans le récit qui rend ces chroniques du passé aussi crépusculaires. Ce qui est près du cœur de cette génération est beau et brille encore. La Grèce se déploie belle et radieuse dans des flots de lumière, car le soleil et le jour habitent sa littérature et son art. Homère ne nous permet pas d'oublier que le soleil a brillé, Iphidias et le Parthénon. Pourtant, aucune époque n'a été totalement obscure. Ne nous rangeons pas trop vite à l'avis de l'historien et félicitons-nous du moindre rayon de lumière. Si nous parvenions à percer les ténèbres de ces années lointaines, nous y trouverions de la lumière, mais il n'y manque la nôtre. Certaines créatures sont faites pour voir dans le noir. Il y a toujours la même quantité de lumière partout dans le monde. Les étoiles nouvelles et celles qui ont disparu, les comètes et les éclipses n'affectent pas la lumière d'ensemble, car seules nos lunettes les remarquent. Les yeux des plus anciens fossiles, dit-on, indiquent que la même luminosité régnait à leur époque qu'à la nôtre. Les lois de la lumière sont toujours identiques, mais ce sont les organes de la vision et l'intensité du regard qui changent. Les dieux ne privilégient aucune époque, mais continuent de briller de tout leur éclat dans les cieux, alors que les yeux de celui qui regarde sont devenus pierres. Au commencement étaient l'œil et le soleil. Les airs n'ont pas ajouté de nouveaux rayons au second, ni modifié le nerf optique du premier. La chance leur ayant été refusée de parler ailleurs parce qu'ils ne sont pas des fous à la mode, ils accourent tous aux tables de l'anti-esclavagisme pour y trouver une sorte d'asile. Et du coup, la pauvre vieille entreprise doit engendrer toutes les bizarreries de l'époque. C'est l'honneur de l'anti-esclavagisme de pouvoir accorder à nos pauvres amis le droit de parole. J'espère qu'elle sera toujours capable de le faire, que la police entendra au Conseil d'État, à la prison et dans les temples. Que le gardien de la salle anti-esclavagiste soit cette grande femme au visage céleste qui porte le drapeau sur l'étendard national et dit « sans dissimulation, comme elle dirait, sans compromis ». Il faut laisser entrer chaque être suffisamment sain pour voir la beauté de la bonté fraternelle, que chacun puisse tenir ses propos divagants et que nous les supportions avec magnanimité en nous rendant compte que l'esclavagisme malveillant tente de nous les imposer. Nous aurons par la suite des rencontres plus saines et plus sensées que toutes celles du pays réunies. Eret et extremos alter scrutetur iberos, plus abet hic vitae, plus abet ilie vic viae. thème d'aujourd'hui est le fion. Le fion. L'affaire humaine et la manière dont elles apparaissent. Elle est précédée du commencement de l'Archang, précédée d'individu et de son courage à s'engager dans une entreprise qui relève cette initiative qui décide qui sera le chef de l'Archang, le Primus Inter Pares. En définitive, quelqu'un peut très bien accomplir, même s'il est seul, de grandes actions à condition d'être aidé par des dieux. Témoin autrefois Héraclès et n'avoir besoin des hommes que pour en conserver le souvenir. Cette dégradation de la politique à partir de la philosophie, telle que nous la connaissons depuis Platon et Aristote, dépend entièrement de la distinction entre le petit nombre et la multitude. Elle a une influence extraordinaire que l'on peut suivre jusqu'à nos jours sur toutes les réponses théoriques à la question du sens de la politique. Et sur le plan politique, elle n'a pas eu d'autre conséquence que l'apolicia des écoles philosophiques de l'Antiquité ou la liberté d'enseignement académique des universités. En d'autres termes, son efficacité politique s'est toujours limitée au petit nombre pour lequel l'expérience philosophique était déterminante. Une expérience qui, par son insistance et contrairement à son sens propre, conduit au-delà de la sphère politique de la vie commune et de la discussion. Ouais, alors, non, ça joue pas possible. Je vais changer la chose, on se fait enculer, I'm gonna die. temps de la prophétie et que les gens ont retenu, il y a celui-ci. Si tu n'éprouves aucun sentiment de pudeur, alors agis comme bon te semble. Si tu n'éprouves aucun sentiment de pudeur, alors agis comme bon te semble. Si tu n'éprouves aucun sentiment de pudeur, alors agis comme bon te semble. Rapporté par Alucard. Sauvera-t-il en nous exterminant peut-être tous et toutes. D'ici là, il va bien falloir supporter. C'est la merde. Ton creux. Bonsoir. Bonsoir. Il y a la musique qui s'est arrêtée. Si on pouvait appeler ça de la musique. Moi, je dis plus que c'est du bruit. Ça, c'est quoi, ça? Est-ce que c'est allumé parce qu'on n'entend pas trop? Il se passe des trucs étranges dans les studios. Mais oui. Mais oui. C'est maman qui a mis le zizi dans papa. Oui, il était en plastique. J'allume tout et n'importe quoi, mais ça marche pas, je sais pas pourquoi. Les CD, ils sont éteints. Ah, merde, on entend ma voix. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Ça tourne pas, ça tourne pas. Chèvre, pas n'importe quelle chèvre, les chèvres d'un pays très éloigné. Il y a des boutons partout et tout. On dirait moi en puberté. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est trop fort. C'est ça, c'est le micro. On peut pas faire ça parce qu'après c'est tout rouge. Mais non, mais le rouge. On dirait. Non, c'est pas bien le rouge parce qu'après, à ce qu'il paraît, c'est inaudible. Non, mais c'est parce qu'ils ont pas d'oreilles les gens. Mais ouais. C'est bien. Ah ouais, sinon ça fait des sons. Comme ça. Eh hey, putain, le micro il est allumé. Oh putain, le micro il est allumé. Il faut l'éteindre vite. Le micro il est allumé. Attention, ah, non, le micro il est allumé. Ah. putain, le micro il est allumé. Au secours. On se fait chier ici un peu. tu m'entends, maman? Est-ce que tu m'entends? C'est moi, là. Oui. Oui, à l'intérieur de toi, oui. Oui, je t'appelle. 1, 2, 1, 2. Mal réglé le son Canal Sud, c'est de la merde. Sérieux, une nuisance. Une nuisance, on les encule. C'est vraiment mal fait ici. Non, c'est vrai, c'est casse d'eau. Tu veux que je te mette tout genre? Tu veux que je te le mette où? Non, non, non, tu touches à rien surtout. Arrête, je te le mets plus fort moi. Non, non, fais pas t'es, ça. T'es de quelle couleur? Je suis bleu comme l'azur. T'es et vert comme le ciel. T'es plutôt vert. Et jaune comme la fiente. Et rouge comme le soleil. Ah ouais? Tu veux pas me parler encore plus longtemps? Attends. J'aime beaucoup ta voix. Ouais. Parle-moi de ma voix encore. Et mets plus fort la musique, s'il te plaît. Même que une fois, j'ai rêvé de toi et tu m'as parlé pendant des heures. T'as rêvé de ma voix? Ouais. Ah ouais. Je te voyais en forme étrange dans le ciel. Arrête, ça me fait plus là. J'ai connu ta voix. Non, ça me fait envie de gerber là. Arrête. Ta voix, elle était bleu azur. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y avait beaucoup de couleurs dans ta voix. Ça me met mal à l'aise en fait. Même, tu pourras arrêter s'il te plaît. Transformé en serpent. Une poule sur un mur qui picotait du pain dur. Picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Henri David Thoreau résistait. La désaffection pour la chose publique, la relative déconsidération qui frappe les hommes politiques donne à ce texte un relief tout à fait particulier. Anna Arendt, la politique a-t-elle encore un sens? Point de départ pour déterminer aussi la communauté de la multitude dans le futur introduisit de facto un nouveau concept de la liberté dans le monde. À la différence d'une liberté purement philosophique qui ne vaut que pour l'individu et qui est si éloignée de toute politique que seul le corps du philosophe habite encore la police, cette liberté du petit nombre est de part en part politique. L'espace de liberté de l'académie devait remplir le rôle de substitution parfaitement valable de la place publique de l'agora, l'espace central de liberté et de la police, pour pouvoir exister en tant que tel. Pour pouvoir s'adonner à son activité, le parler ensemble, le petit nombre devait exiger d'être délié des activités de la police et de l'agora, de la même manière que les citoyens d'Athènes étaient déliés de toutes les activités qui assuraient leur gagne-pain. C'est dans ce contexte que nous entendons parler pour la première fois de la politique comme de quelque chose de nécessaire. Ce pauvre homme noir, ils l'ont asservi et réduit à l'état de brute toute sa vie. Et maintenant qu'il est mort, ils l'ont a priori abandonné sur place, ils le laissent décomposer à même le sol, que le monde civilisé en prenne bonne note. Le président, appelé à présider une nation d'hommes libres, alors que l'homme qui se tient à ses côtés est un esclave. Freddy, Thora, et il broutera l'anus. Freddy Krueger, il va te tuer dans tes rêves. Prout, prout, caca, prout. Tu t'encules, Freddy, va te faire foutre. Parce que moi, mes cauchemars, je les aime. Et toi, je t'aime pas, t'es un connard, Freddy de merde. Krueger, c'est un foutre. Moi, je l'encule. Freddy Krueger, c'est une merde. Scream, c'est de la merde. Et tout ça, c'est de la merde, je t'encule. Non, c'est vrai. C'est vraiment vrai pour une fois. Je dis pas que de la merde. Et la vérité, c'est les gars, il faut des pivots de bar. Il faut des piliers de bar qui payent le gars pour se faire servir à boire. Et pendant ce temps-là, on se bourre la gueule. Ouais. Ouais, c'est clair. Et moi, je vais en boîte tous les soirs pour aller voir Madonna danser. Et Madonna, elle danse avec son cul en l'air. Et j'aime, je kiffe quand elle bouge son beau cul, Madonna. Elle est belle. Madonna, elle est trop belle. Vive le RSA. Ouais, et le RMI pour les jeunes, on l'encule. Nous, ce qu'on veut, c'est moins de thunes pour les jeunes. Nous, ce qu'on veut, c'est que les jeunes, ils crèvent la dalle. Parce que les jeunes, les moins de 25 ans, parce que c'est une catégorie comme ça, c'est important qu'on garde des catégories, qu'on catégorise les gens, c'est important. Et ben les jeunes, et ben, il faudrait qu'ils meurent. Il faudrait qu'ils meurent plus vite. Comme ça, on aurait moins à nourrir. Culé. Et les vieux aussi. Et nous, on est les vrais durs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, c'est clair. J'ai trop raison, ouais. Vas-y, envoie le beat. On voit le beat, cousin. Ouais, ouais, tout cas. Ouais. Pshhh. Vas-y, ma double fa. Qu'est-ce que t'as? T'as honte? C'est pas le moment d'avoir honte. On est dans l'action. L'action, c'est l'actionnare. L'actionus, l'actionum. C'est ça, l'odeur de pisse depuis tout à l'heure. Je me disais, il y a une arrière-odeur de pisse ambiant, là. C'est mon habit qui pue par hasard, c'est pas une odeur de foutre. C'est peut-être la mienne aussi, ouais. Ouais, nos bites. Ah, nos bites, elles puent, c'est beau ça. Pour une fois qu'on a quelque chose de particulier ensemble, de commun, quoi, je veux dire. Ouais, on peut collaborer ensemble vers une cohésion sociale, ensemble dans un groupe, un groupuscule. Les pueurs de bites. Les pueurs de bites. Les pueurs de la bite. Non, sérieux, tu veux joindre notre club? Ouais, excellent. Excellent, mec. Canal Sud. Canal Sud, 92.2 FM ou Canal Sud. Canal Sud. Canal Sud. N'appelez pas. Canal Scud. Canal Scud dans ton cul, abandonné dans ta face. Tout de suite, c'est nuisance. On n'a rien à foutre. C'est après 10h. Il est 10h20 et on n'a plus de censure. On est vive la liberté en France. La liberté de dire que de la merde. Au moins, on peut le faire, ça. Ouais. La liberté de dire ça. Oui, et oui. Mais vraiment que de la merde. La pas d'accord pour des trucs sérieux, moi. Sinon, pour c'est pas d'accord. Ouais, torcher le cul, ouais, ça. Se chier dessus, bouffer de la merde et se la foutre dans le cul, profond. En chiant, tout ça. Comme ça. Ou sinon, dire merde. Tata. Soutien. Tu m'as coupé. Tu as un support? Alors. Ah, c'est moi aussi, j'ai des insanités à dire. Mais c'est vas-y, ouais. Vas-y, fais toi plaisir. Fais-nous plaisir. Mais la liberté, dans le choix de l'idéologie, qui reflète toujours la coercition économique, apparaît dans tous les secteurs comme la liberté de choisir, ce qui est toujours semblable. La manière dont une jeune fille accepte un rendez-vous inévitable et s'en acquitte. Le ton d'une voix au téléphone et dans la situation plus intime, le choix des mots dans la conversation, voire toute la vie intérieure telle qu'elle est organisée par la psychanalyse vulgarisée, témoigne d'une tentative faite par l'homme pour se transformer lui-même en appareil conforme jusque dans ses émotions profondes, au modèle présenté par l'industrie culturelle. Grave, je suis trop d'accord avec toi. Ouais, c'est trop vrai. C'est profond ce que tu dis. Ouais, c'est profond ce que le mec il dit, là, les deux, là, Adorno et... Profond dans ton cul, ouais. Ouais, si tu veux, j'allais le dire à la fin, putain, c'est la surprise. Tu m'as tout gâché. Ouais, je vais cramer le micro. J'ai un peu senti venir. Quoi. Attends. Vas-y. Les réactions les plus intimes des hommes envers eux-mêmes ont été à ce point réifiées que l'idée de leur spécificité ne survit que dans sa forme la plus abstraite. Pour eux, la personnalité ne signifie guère plus que des dents blanches, l'absence de taches de transpiration sous les bras et la non-émotivité. C'est émouvant. Il faut pas se voir. Et voici le résultat du triomphe de la publicité dans l'industrie culturelle. Les consommateurs sont contraints à devenir eux-mêmes ce que sont les produits culturels. tout en sachant très bien à quoi s'en tenir. Ouais, c'est la lutte. La lutte finale. C'est la lutte finale. Mais non, mais c'est fini. La lutte finale, la finalité, la fin. Nous, ce qu'on veut, c'est aux lutter pour la fin. On veut mourir. Allez, ouais, allez, allez. Qui s'intéresse aux livres, quoi. Quoi ? Moi, j'ai plein de livres aussi, regarde. Ah, ils sont bons ce livre. Ils sont bons ce livre. Morphoser cette relation personnelle. Dans la mesure où cette relation personnelle, où elle s'opposait manifestement au domaine public et politique. Non, mais tu comprends. Manifestement. Attends, à la sphère privée et liée à la nature de la situation historique. La situation historique, mec. Ouais. Point. La sphère privée a été comprise tout au long de l'Antiquité gréco-romaine comme la seule alternative à la sphère publique. C'est-à-dire que ce qui était déterminé par l'interprétation de deux espaces, c'était le contraste entre ce qu'on voulait montrer à tout le monde et la manière dont on souhaitait apparaître à tout le monde et ce qui ne pouvait exister que dans l'ombre et qui devait donc rester caché. Et c'est ça que je te disais, tu vois. Tu vois, exactement, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Apparaître selon à tout le monde. Selon les sociologues. Et ce qui ne pouvait exister que... Non, non, je veux pas. Vas-y, toi. Oh, ouais, tu fais pas ce qu'on dit. C'est pas mal. Le christianisme. En général, en effet, il n'existe pratiquement pas de catégorie politique ou de concept politique traditionnel. La désagrégation se permet la lutte du précapitaliste, la différenciation diagnostique et sociale et l'excellence de spécialisation. En un sens, voilà une forme politique à l'intérieur de la vie, c'est-à-dire de la survie de l'humanité. Il se retourne en arrière qui réfère la liberté elle-même à la survie de l'humanité n'élimine pas l'antagonisme entre liberté et politique. Au réformisme et à l'esprit commercial des temps modernes. Résister à la tentation du laisser-faire, au réformisme et à l'esprit commercial des temps modernes. Page 5, page 65, vie de André David Thoreau, Thoreau à la surface de la Terre, car le risque qui doit être expulsé de son se consacre à la sphère du politique, parce que doit se libérer du tout, plutôt que de sa vie, résister à concerne monument aussi au fond du monde, considérant normalement la vie de la société, sur la sensation de doute, des grands cartels, du satisfait de la sienne, aucun des véritables grands êtres de la vie de la liberté. La sienne comme celle du groupe auquel l'individu peut appartenir et avec elle l'assurance d'un monde dans lequel se trouve son domicile et auquel il est parvenu par son travail de relation la permettre la communauté ou la vie associative de ne pas se contenter de nous servir à leur théorie et leur sagesse car elle ne constitue pas une preuve mais d'emporter avec eux un esprit, un petit spécimen sorti de la fabrique. Prise en charge de ce qui est supportable. Abu Huraira Abder Ar-Rahman Ibn Saker, que Dieu l'agrée, rapporte avoir entendu l'envoyé d'Allah, que Dieu lui accorde grâce et salut, dire « Ma na ae tukum anu fashtanibu wa ma amartukum bihi fatu minhu ma statatum fa inama ahlaka el ladina min kablikum » Quatre atouts. Massa ilihim wa irtilafihim ala anbiya ihim. Évitez de faire tout ce que j'ai défendu et accomplissez toute la mesure de vos capacités. Ce que je vous ai enjoint de faire, en effet, ce qui a entraîné le sarcasme, la déchéance de ceux qui vous ont précédé, ce sont leurs questionnements excessifs et la désobéissance au prophète. Ouais, c'est ça. Ça y est. Cynisme, quoi. Ça, c'est... Non, c'est pas du cynisme. Mais c'est du cynisme grec, en fait. Tu connais Diogène? Ouais, Diogo. Carrément. Gégène, comme on l'appelle. C'est pas le même qu'avant, quoi. Ouais. La pudeur découle de la foi. C'est ça. Ouais, donc là, on change. Ouais, c'est clair. Vas-y, crache ton venin. J'en sais rien. Dis quelque chose, la merde, comme je disais tout à l'heure. C'est ça qu'il faut faire. T'as un stylo? Ouais, si tu veux. Un stylo. Je dois avoir ça quelque part. Non mais attends, j'y vais. T'en as? Vas-y. T'en as? Le stylo ou quoi? Il est trop bien. l'accouchement de la puberte. La mer. Bienvenue sur Nuisance. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, c'est une émission d'expression libre, tendance brutiste. D'où son nom, Nuisance. Voilà, que dire de plus ou de moins? Que faire? Toutes ces questions, on se les pose pas ici, on n'a rien à foutre. Et on fait quoi, nous humains, quand on s'y met, tout naturellement, on fait caca, voilà, c'est à propos de ça, Nuisance. Nuisance, c'est à propos du caca qui sort de ma bouche, par exemple. Un exemple, un autre exemple, c'est le caca qui sort de mon cul. Et encore un autre exemple, c'est le caca qui sort du cul des autres. Ça au moins c'est sûr. Et en fait, je voulais aussi dire qu'il y avait des gens qui pouvaient appeler s'ils voulaient au 05 61 53 36 95. Et je voudrais aussi m'enculer, parce que je suis une merde. C'est les culs qu'on encule, pas les merdes. D'accord. Ça me va très bien, on a cap. Je suis un cul. C'est quand même vachement plus productif. C'est vrai, ouais. Ouais, d'accord, ça me va, moi. C'est vachement plus productif d'être un cul. Ça me plaît, ça me plaît, ça. Bon vocable. Donne à un homme une merde, il pourra chier une fois, donne-lui un trou du cul, il pourra chier toute sa vie, quoi. Ouais, c'est clair. Et ouais. Toute la mort aussi. C'est important. T'as pas un truc? Si j'en ai un. T'as un gros trou du cul. Non mais un truc. Ouais, je crois que je vais mettre ça. Ah ouais. Là, on s'entend plus, là. C'est parfait. Non, c'est bien. C'est parfait, c'est ça. Viens voir. Viens voir. Et en même temps. Vive le pinard et vive la bière, le pays de la France. Vive les bactéries, vive le fromage, le pays de la France. Vive la mer, le pays de la France. Crash, griffe, racle. Les enfants, la fratrie, on est fratricide, et on s'encule. J'aime pas me rapprocher, on s'encule, brave, c'est avec du sang. Un ciotto di ferro vecchio della meccanica, della meccanica. Un ciotto di ferro vecchio della meccanica del presidio. On encule les fions. Un ciotto di ferro vecchio della meccanica, della meccanica. Un ciotto di ferro vecchio della meccanica del presidio. Mieux quand tu écris. Hein. Ça c'est un. C'est un bordel monstre. On arrête tout, y en a marre. s'énerve au bout du fil. Et il est pas loin de la plage, on dirait. Hein. On encule l'anus avec du fion. La merde. Ici, on encule la merde. On est fait pour ça. On est fait pour ça. Music. Noise is noise. Y a quelqu'un? Allô, y a quelqu'un? Allô? Allô, y a quelqu'un? Allô? Allô ? Allô, y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Allô ? Allô ? Allô, y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Allô ? Allô ? Y'a quelqu'un ? Allô ? Y'a quelqu'un ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Allô ? Allô ? Allô ? Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Allô ? Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Y'a quelqu'un ? Allô ? Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Ouais, mais ouais. Allô ? Ouais ? Tu m'entends ? Allô ? Allô ? Hey. Y'a quelqu'un ? Ouais, je suis là. Oh ! Hey, mec ! Allô ? Ouais. Tu m'entends pas ? Culé ! Oh ! Culé ! Culé ! Vas-y, mais réponds-moi. Y'a quelqu'un ? Allô ? Non, je te rappelle plus maintenant, c'est bon. Tu fais chier. Allô ? Tu fais chier. Allô ? Tu fais chier. Y'a quelqu'un ? Allô ? Tu fais chier, mec. Allô ? Arrête. Y'a quelqu'un ? Arrête, stop. Y'a quelqu'un ? Stop, stop. Allô ? S'il te plaît. Allô ? Arrête. Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Arrête, arrête, arrête. Allô ? Allô, y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête. Allô ? Oui. Oui. Oui. Allô. Oui. Oui. Allô. Oui. Oui. Oui. Oui. Non. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Non, pas comme ça, non. Non. Non. Non. Kabaka. Kabaka. Non, pas ce soir, non. Kabaka. Kabaka, oui. Kabaka, oui. Ce soir, on peut pas comme ça, non. Oui. Oui. Non. Non, Kabaka, Kabaka, non, non, Kabaka. Y'a quelqu'un ? Non, oui. Allô ? Non, pas ce soir. Tuez les handicapés, tuez-les tous ! Kabaka ! Allô ? Allô ? Putain non, faut pas dire allô, t'es quand je dis allô, faut dire oui. Allô ? Non ? Non. Allô ? Ouais, tu peux te mettre là, ouais. Ouais, alors, si je peux me mettre là, je me mets là. Je prendrais moins de sardines pour le barbecue. Sardines pour le barbecue, ouais. Bon, faut penser à ça aussi. Faut penser au pâté. Penser au pâté aussi. Le saucisson aussi, quand même. Le pâté en croûte. Le pâté en croûte ? Ouais. Mais les sardines, c'est pas un peu déjà croûté ? J'aime bien les sardines, mais les pâtés en croûte, c'est le meilleur, quand même. Faut avouer. Je sais pas trop, pâté en croûte, c'est un peu... Bref... Hein. Ça existe le pâté de sardines ou pas ? Glock. Ouais, Glock. Ça existe. J'ai l'OCK. J'ai deux ailes au cul. J'ai deux ailes au cul. J'ai deux ailes au cul. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô, à l'huile de Maubuche. Qu'est-ce que c'est ? Il vaut mieux, sinon tu vas pas m'entendre dire des saloperies sur ta gueule. Ouais, il est très méchant, lui. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Moi, je suis pas d'accord. Oui ? Non. Non. Non. Non. Peut-être un peu oui, alors. Non. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Allô ? Non. Alors, j'aimerais lire un petit passage de d'un livre de Imam An-Nawawi pour le festival Scène d'enfance. Les 40 et Alice de l'autre côté du monde. Alice ou l'autre côté du monde ? Où ça ? À Nice et Toulouse. C'est qui ? Allô ? Non, je suis pas d'accord. Bon alors, je disais, j'ai envie de lire un petit passage non, de non. Les 40 Kabaka. Non. Kabaka. Non. Je veux lire le truc. Alors, évitez de faire tout ce que j'ai défendu et accomplissez dans la mesure de vos capacités ce que je vous en ai adjoint de faire. En effet, ce qui a entraîné la déchéance de ceux qui vous ont précédé, ce sont leurs questionnements excessifs de la désobéissance au prophète. Désobéissance. C'est un peu nul, hein. Nul. Ah, attends, j'ai un autre passage. Passage. Allah, le Très-Haut, est pureté. Pureté. Il n'a agréé que ce qui est pur. Il a prescrit aux croyants cela même qu'il avait prescrit aux envoyés. Prescrit. Allah, le Très-Haut, a dit : Oh, apôtres, mangez de ces pures nourritures et pratiquez la sodomie, car c'est bon pour la santé. Sodomie. Et ainsi la vertu s'en retrouvera dénue. Il dit aussi : Mangez ces excréments, car ceci est mon corps, c'est ma nourriture. Les excréments. Il faut que vous en mangez. Putain, c'est bizarre quand même. Vive la scatophilie. Non mais vous êtes trompé de radio, hein. Non, c'est à côté, c'est... Non mais c'est Hadith, se souvient de bonnes choses illicites. Non, il faut pas parler dans ces cas-là, hein. Faut pas parler. Non, c'est Dieu, là, debout du fil, qui dit merde. Ouais, tu crois qu'il dit caca, lui aussi ? Mais moi, j'ai vu Dieu, le jour, il était con, hein. Il m'a pas dit caca, hein. Il m'a dit plutôt... Merde, comme vous l'avez dit. Donc. Ouais, c'est bien. Des fois il est gentil, mais ça dépend des jours. Mais quand même, hein, franchement, il est gentil. Putain, quel censeur! Quel ascenseur, ce mec! C'est quel ascenseur? C'est l'autre là. Ça va. Mais vous, est-ce que vous pouvez allumer la lumière ? Laquelle lumière ? Mais en fait, on voit rien, il n'y a pas de lumière. Ah, c'est parce que... C'est un peu trop nul ici. Hein. C'est nul et surtout parce que c'est nul, il n'y a pas de lumière. Voilà, c'est... Ouais, c'est un peu nul. Mais j'ai peur un peu. Mais c'est un peu, on est un peu dans le noir et j'ai un peu c'est peur. C'est notre faute, c'est nul. Hein. Je veux savoir. Ouais, parce qu'il paraît. Ouais, non, c'est vrai. Hein. D'abord, c'est ta faute. Tiens, puisque tu me dis. Ouais, mais je sais pas, parce que je crois que c'est toi la merde alors. D'accord, c'est ma faute alors. Parce que moi, je m'encule. Je m'encule ouais, avec du fist. Mais je peux t'enculer aussi. Non, toi, tu gardes ça pour toi, tes saloperies là. C'est dégueulasse. Ouais, vas-y, Putain, ça se partage pas. Vous voulez pas allumer la lumière ? Ça se partage pas. C'est comme la cam. La cam, ça se partage pas, t'es d'accord avec moi ? Tu me rejettes ? Quoi ? Tu sais que la cam, ça se partage pas ? Alors tu fermes ta gueule maintenant. C'est mon émission. Non, je rigole. Non, c'est ton émission, vas-y, engueule-moi. Vous avez pas du papier ? Merci. Du papier toilette ? J'ai envie de faire pipi. Non, parce que. Vous pouvez pas allumer la lumière ? La lumière est dans ton cul, mon fils. Je crois que c'est tout ton cul, la lumière arrive. Tu crois que quand je baille, on voit le soleil ? Par mon cul ? Là, je vais essayer. Ah. Waouh. Ça y est, il fait chaud. Tu sais ce que ça veut dire, enculé ? Tu sais ce que ça veut dire ? Non, j'ai jamais essayé. Non, moi non plus. C'est pas vrai. Je sais pas si ça veut dire enculé quoi, j'ai jamais essayé d'être un enculé quoi. Non, ah, quoi que si, j'ai déjà essayé. Ah, c'est vrai. Alors, moi aussi, c'était avec un. Je crois que c'était un animal. Un rugbyman ? Un animal. Un animal, pardon. Ou un rugbyman aussi. Ça marche aussi un rugbyman. Parce qu'un rugbyman, c'est un animal. C'est des inanimales ? C'est des inanimales. Je comprends jamais rien ici. Ouais, c'est bizarre. Mais en même temps aussi, Parce que les gens ici font des trucs nuls, alors c'est pas bien alors. Du coup, après, les gens ils veulent pas écouter. Puis après, ils vont en boîte, c'est pas notre faute, hein, aux gens. Nous on est morose, mais eux ils sont heureux d'aller en boîte et faire la teuf et prendre de la coke dans le nez, ils sont fous, ouais. C'est riche. Nous on est des pauvres, alors on est morose, on peut rien faire, nous. Bah si, on peut aller au Shanghai, au pire, je peux sucer un vieux et peut-être il me donnera de la cocaïne, il m'offrira à boire. Ouais, c'est nul, tu vas pas prendre de la drogue de riche quand même, prendre la drogue de pauvre. Ah oui, c'est du crack, ouais, du crack, ouais, carrément. Ah ouais, t'es fou, toi. Du crack, mais c'est cher le crack quand même. T'es un malade. Des détergents. T'avais pas pensé avant, quoi. Détergent, du crocodile, je sais pas n'importe quoi, mais ouais, pas de la cocaïne pure. Cocaïne. Ah ouais, t'es fou, tu as crevé. C'est clair, c'est trop pur pour toi, si t'es sale. Toi, t'es sale, t'es impur. Ah oui, je suis sale, je suis impur. Ah, mais j'ai pris une douche quand même hier. Ça n'a rien à voir, ouais, c'est intérieur que t'es impur. En fait. Mais même si je mets de l'eau dans ma bouche, ça marche pas. Même si tu fais un lavage colorectal, ça oui, quand je prends une douche, je me mets des doigts pour laver l'intérieur de mon anus. Je crois que ça marche. Ça suffira jamais. Ça suffit pas. Et d'accord. Et comment? Alors il faut que peut-être si je me nettoie avec de l'ammoniac, ça marche. Il y a ça et aussi manger du tabac aussi, plein de tabac. Tu peux manger plein de tabac jusqu'à étouffer. Le tanin aussi, il se paraît, c'est bien. Le tanin. Le tanin nazi. Le tanin. Ouais, le tanin nazi. J'aime bien aussi. C'est quoi, neta? Le tanin nazi, j'ai dit. Pas le tas. Ça n'a rien le à voir. Le tanin nazi. Le tas, c'est un tas de quelque chose, tu vois. Le tas de merde, d'accord. Le tas de foutre. Et parce que je me demandais l'autre jour. Si on a plusieurs tas et qu'ils sont pas égaux, c'est pas bien. Pourquoi pas? Il faut. Parce que c'est bien s'il y a un mec, il a plusieurs tas, c'est bien s'il légalise les tas. Pourquoi faire? Mais c'est pour. S'il y a un tas de merde. Voilà, un tas de merde, un tas de pur diamant, il n'y a pas mélangé les diamants à la merde. Hein. C'est ça, normal. Hein. Ouais, mais moi je trouve que c'est important de. C'est cette notion d'égalité là. Mais la dernière fois j'ai vu un mec, et ben tu sais ce qu'il faisait? Il égalisait l'état. Utopiste. Non, mais il égalisait. J'en ai marre, je coupe ton micro, t'es qu'un utopiste. Tiens, tais-toi. Vas-y, on se tait tous de toute façon. Non, nous on parle parce qu'on n'est pas des utopistes de merde. Mais si, parce qu'on aime la merde, il y en a pas beaucoup qui aiment la merde. Mais aimer, c'est pas utopiste. Hein. Ouais, tu penses qu'aimer n'est pas truc. Non, c'est pas utopique, c'est une émotion. Et toi, tu fermes ta gueule d'abord. Mais non, toi, toi. C'est l'ascenseur, c'est l'ascenseur. Alerte à la censure. Stop. Bon, d'accord, je te remets ton micro, mais seulement pour une seconde. Tu peux dire quelque chose, un mot seulement, ouais, lequel tu dis. Fais gaffe. Prout. Ouais, c'est ça, c'est déjà bien, pas mal. Je pensais merde, mais c'était pas mal. Bah, c'est au moins. On a moins l'odeur. Peut-être, je suis pas sûr encore. Ça se diffuse plus, quoi. Instantanément, mais ça dure pas longtemps, ouais. C'est vrai que d'accord. Finalement on a moins pour le même prix, ce qui est pas mal d'ailleurs. Une belle merde. Ok. Parce qu'on a rien demandé, non. Mais moi j'ai envie parce que c'est important quand même. Il faut demander les proutes. Demander les aux proutes. On va demander aux proutes, aux proutes. Oh sacré grand prout, viens. Non, c'est les œufs prophètes. Viens à moi, prout. Oh, je te sens en moi, tu viens, oui. Tu vas venir, prout. Oh, viens en moi doucement et calmement. Et laisse-moi prouter en paix, prout. Oh oui, j'aime prouter en paix. Prouter en paix, prout. Paix, prout. Prout en paix. Paix, prout. Prout en paix. Paix, prout. Prout en paix, prout. Qui vient s'asseoir, je crois qu'elle a de la merde traînée sur le cul. Viens les filles, non ? Moi je dis les filles, et ben elles veulent dévorer nos pénis avec leur vagin. Et ça c'est mal. Non, c'est bien, non ? Non, elle nous mange le pénis avec son vagin. Avec une petite dent qui pousse comme ça. Ouais. Mais au début, elles sont pas assez formées. Quand elles sont jeunes, les filles, elles ont des lèvres. Mais après, quand elles sont vieilles, elles ont des dents. Ça remonte à quand, cette peur du vagin? Ça remonte depuis que je m'en suis enfui, à ma naissance. J'ai réussi à m'enfuir. T'as déconné une fois, quoi. Ah, mais j'étais enfermé depuis très longtemps. Et puis après, j'ai fait non, et j'ai réussi à m'enfuir. Et depuis, à chaque fois que j'en vois, ils sont là en mode je vais te manger le pénis avec mon vagin. Je suis là, non, je veux pas, arrêtez. C'est pas fait pour ça. Hein. Bah, déjà, c'est pour faire pipi à la base. Et puis pour faire des enfants, je suis pas sûr parce que. Attends. C'est vrai, tu les manges ? Mais arrête, ça fait mal. Voilà, la vérité sur le vagin. Chier en fait. Merci, Chloé. Que... porte noire. Oui, les filles se nourrissent exclusivement de la tête. C'est vrai. Il faut faire quelque chose, faut faire un appel. Un appel de la du masculinisme. Genre, on oublie le. Tous les hommes sont castrés. Ça veut dire qu'à chaque fois que t'as baisé et que t'as trop bien sorti avec ta bite, elle était super sympa ou elle avait déjà mangé ? Elle avait mâchouillé. Elle avait mâchouillé. Si j'étais resté plus longtemps, elle m'aurait arraché. C'est dit que ton heure n'était pas encore venue. Vite. Bientôt. Non, mais j'ai pas envie. Non, mais c'est vrai parce que, au final, quand on baise, on simule la reproduction de l'espèce humaine. Il faut pas se reproduire parce que après on est trop nombreux. Et alors, du coup, il faut pas. Et du coup, il faut pas se reproduire parce que sinon après. 2014, c'est Canal Sud. As-tu appris les distances des préservatifs ? Les préservatifs ? Non, c'est haram, c'est haram, c'est faut pas. C'est le pape, il a dit, il faut pas mettre de préservatifs parce que sinon après Dieu, il est pas content. Ouais. Moi, je dis les préservatifs. C'est pas des ballons, c'est des petits ballons. Oui. À la limite, si. Des petits ballons. C'est vrai. Oui. Moi, j'ai deux ballons aussi. Et on peut mettre des préservatifs sur les testicules ou pas ? Tu peux toujours essayer ? Quelqu'un a déjà essayé. Ici ? Ouais. Enfin, pas moi, pas encore. Si, j'en ai là sur les mêmes. Des testicules ? Des petits ballons ? Pourquoi t'as des préservatifs sur toi ? Sur mes testicules ? Oui. Pour protéger. Parce que si on tape, enfin. C'est pour protéger si on tape dans les couilles. Mais elles sont où tes testicules ? Parce que je les ai jamais vus. Ah oui. Ah oui, c'est. Mais t'as menti. Bientôt Difool revient. Oh ouais, je ne suis qu'une. Difool revient. Je ne suis qu'une salope. Je suis une grosse salope. Oh ouais, parle-moi de ma fille. Ah ouais. Vas-y, il y a un mec là-bas, il fait un truc bizarre avec son anus. En plus, il a la tête rasée, on dirait un skin, et il se met des choses étranges dans l'urètre. On peut pas lui dire d'arrêter. Là-bas, il y a un mec qui met un truc dans l'urètre. Non, mais il ne peut pas. Tu veux pas y aller, toi ? Non, il me fait peur aussi. Mais t'as des préservatifs, tu peux te protéger. Ah, je crois que ce sera pas suffisant. La dernière fois, j'ai vu un moine Shaolin, il pratiquait le condom style. Il frappait les gens avec des préservatifs. Mais il faudrait peut-être des gens comme lui pour se défendre. Se rebeller, mec. Ouais. On a marre des préservatifs, nous ce qu'on veut, c'est la maladie, on veut mourir vite. Alors on veut crever, alors ce qu'on veut, c'est on arrête les condoms, comme tu dis là, les rubber, les capotes anglaises, hein. On a marre de ces anglais de merde, nous on est des français, nous on veut crever, alors on va chercher le virus, on va le prendre de front, avec nos bites, nos chattes et nos culs, et on va choper une merde, et, ou deux, ou trois, et on va cumuler la syphilis avec le DAS, et en plus on va avoir un herpès génitalo-rectal, avec une fustule et une fistule tout en même temps. Et je te jure, ça va être le pied, on va crever comme des merdes. C'est ça quand ? Faut prendre rendez-vous ou on fait ça de suite ? Tout à l'heure, là, je m'en occupe. Vive le RSA. Ouais, c'est pas mal. Mais moi, j'ai pas encore l'âge d'avoir le RSA. T'es un vrai loser. Ah ouais, putain, je fais comment ? À mort les jeunes. Tu l'affirmes, t'es jeune. Ah merde, c'est ça. Okay. Mais même si non, les prostituées. Non, je peux pas. Non, vraiment. Non. Mais t'es sûr que je peux pas. T'as des chances quand même, Constitution, je te l'avoue, mec. Tu peux toujours essayer si ça te botte. Après, je suis déclaré, hein. Bah, tu peux, ouais, tu peux, ouais, vaut mieux, ouais. C'est mieux de déclarer, ouais. Moins de problèmes avec les keufs, tu peux montrer tes papiers et tout ça. Ouais. Tu peux au moins t'as la sécu, tu peux. C'est une question un peu quand même solide, quoi, de nos jours. On se demandait si on pourrait ne pas se prostituer par hasard. Parce que vraiment, là, c'est la dèche. Même ça si. Ça commence. Mais la prostitution, c'est offrir son corps contre de l'argent. Ouais, si tu veux, ouais. Et ça peut s'appeler aussi se faire bourrer le cul pour 50 euros, quoi. Ah ouais. Tu vois, je sais pas, ça dépend comment t'en parles, quoi. Mais si, je sais pas, si mettons, je déplace des poutres sur un chantier, c'est pas de la prostitution. Si, c'est la même chose, sauf que tu fais pas bourrer le cul, quoi. D'accord. Mais quand même 50 euros à la fin. Mais un peu quand même. Presque. Des fois. Bon, je suis assez fermé, je suis con, quoi. Non, c'est vrai, soyons pro-institution. C'est toi l'institution. Ça, en fait, c'est les... Parlons de la police, tiens. Déjà, ils ont un très bon gel douche. Gel douche ? Ouais, parce qu'ils ont la police. Il y a quelqu'un qui rigole. Il y a une personne qui rigole. Ça veut dire que ça a quand même marché. Eh, j'en ai une. C'est un mec qui rentre dans un bar. Il fait « Je suis le messie !» Le patron, il fait « Mais non ! Messie !» Ah, c'est pas le mec qui rentrait dans un café une fois et... Pouf. Non, celle-là, elle est nulle. Ouais. Eh, ça fait quoi un poussin de 200 kilos ? Piou, piou. C'est le piou-piou. Alors, c'est un flic qui rentre dans un bar avec un perroquet sur l'épaule. Et là, il y a le barman qui fait « Ouah, mais tu l'as chopé où ? Ben là-bas, au commissariat ! Il y en a plein !» C'est le perroquet qui a répondu, en fait. Mais elle est blonde. Elle est de la blonde. Alors moi je propose on pirate la radio, on séquestre les gens et après on continue à dire des super blagues. Moi j'en ai une de merde. Moi j'en ai une super, elle est vraiment vraiment vraiment très bien. De merde. Alors cette blague, le mec, c'est un mec qui l'a inventé pour raconter l'histoire. Et le mec, il a gagné de l'argent. C'était un concours de blagues. Et voilà, c'était au concours TéléZ. Je sais pas si vous, ça existe encore ce magazine. Ah si, oui, il y avait des blagues dedans. Il y avait des blagues et du coup, en fait, c'était envoyé tes blagues et ben, il te filait de la thune et il les publiait. Et après, il marquait ton nom et ton adresse. Et c'était un peu dangereux, c'est pour ça qu'ils ont arrêté. Alors, je vais raconter la blague. C'est l'histoire d'un médecin, plutôt même vétérinaire, qui un jour, il fait un safari. Il fait un safari, et donc il se balade là sur sa jeep dans la savane, et il regarde des animaux, parce que c'est rigolo. Et à un moment, il entend un petit... derrière un buisson, il fait... Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Il s'arrête, il va aller voir. Et là, il voit un petit éléphanto en mode... Et en fait, il a une écharde dans le pied. Et donc, vu qu'il a mal et que le vétérinaire il est gentil, eh ben, il lui enlève l'épine gratuitement. Comme ça. Genre, hop, il lui enlève la patte, il désinfecte. L'éléphanto, il est content. Ouais, trop bien, merci. Et puis, ça va. Et 10 ans plus tard, eh ben, le même vétérinaire, eh ben, en fait, il est devenu con. Et du coup, il va dans des cirques. Mais des cirques animaliers avec des animaux, tout ça, voilà. Et comme par hasard, le petit éléphant... Et ben pendant tout ce temps, en fait, il a grandi, il s'est fait kidnapper par des braconniers et vendu dans un cirque. Et du coup, il se retrouve là à faire un spectacle de cirque. Et l'éléphanto, il reconnaît pendant son show. Là, il voit le médecin vétérinaire. Oh, il reconnaît et tout. Et il va lui voir, il arrête le show. Il va le voir avec sa trompe, il l'attrape délicatement. Et il l'enlève de sa place de 10 euros. Il le met sur une place de 20 euros. Le mec a gagné la thune pour raconter ça. Je sais pas comment il a fait. C'est nul à chier. Non mais c'est la vraie histoire. Il y a vraiment un mec qui a gagné de la thune. Ah, je dors. Ouais. Non, c'était une blague. C'est pas drôle. Bah non, franchement, je rigole à tout, mais là, non. Bah putain, mais parce que... Attends, je l'ai mal raconté. Attends, je recommence. Alors c'est un mec. Il fait un safari. En fait, c'est un médecin. Il est vétérinaire. Je suis fatigué là. C'est vrai. Mais attends, elle est presque finie. Bon, d'accord. T'es une mauvaise public aussi en même temps. En même temps, t'es blonde. En même temps, t'es blonde. C'est pour ça que tu comprends pas l'humour. Rien à voir. Rien à voir. Ah, si. Parce que ta blondeur, ça, en fait, ça fait des, comme des, au niveau des couleurs, des ondes magnétiques, ça fait des perturbations et du coup, t'entends pas les mêmes choses que les gens qui sont pas blonds. Parce que t'as les cheveux sur les oreilles. Toi, t'as un casque sur les oreilles. Ben, ouais, mais quand je l'enlève, je l'ai pas. Là, t'as des cheveux sur les oreilles. Alors t'as du caca dans les oreilles. Et toi, quand t'enlèves tes cheveux, tu restes blonde. T'as du caca dans tes oreilles, t'as du caca dans tes yeux. Non, je les ai enlevés. Non, t'en as plein partout. Non, ça c'était aussi. Hier soir, et je l'ai enlevé. T'as du caca partout, c'est pour ça. Non, t'as des idées bizarres, tu crois des choses, mais qui sont fausses. C'est toi qui de suite, je crois des trucs qui sont faux. Non, mais non, parce que. Non, parce que. Vision de choses de non, vie, parce quoi. Que c'est Dieu qui l'a dit. Bah, Dieu l'a dit, alors j'ai raison. Il a dit quoi? Que j'avais raison. Parce que je crois en lui et que je suis allé à la messe. Du coup, j'ai raison. Ah, tu vois que j'ai. Alors. Bah, si c'est Dieu qui l'a dit, je peux pas lutter. Voilà. Bon, c'est vrai que ça c'est un peu pourri, mais sinon on peut dire parce que c'est légal. Ah non, c'est légal, j'ai le droit de dire les blagues sur les blondes, c'est légal. C'est pas raciste ni discriminant, du coup j'ai le droit de le dire. J'ai le droit on de parlait penser. Pas des éléphants là. On parlait d'éléphants qui avaient des trucs sur les oreilles. Mais c'est pas vrai. Si on parlait d'éléphants là. Ah ouais. Tu vois, t'as du caca partout là, tu vois rien, t'entends rien, tu comprends rien. Mais en même temps, t'es une femme. Et une femme, c'est bien connu, les hommes comprennent pas les femmes. Ils comprennent pas les éléphants. Mais parce que. Parce que ça trompe. Et vous faites quoi? Vous faites un plan drague là dans le studio comme ça pendant que je vous laisse 30 secondes pour aller raccompagner un pote? J'essaie. J'en ai marre. Tais-toi, et le sexe, c'est pas la seule priorité quoi, ok? Mais non, j'ai le cul aussi. Je commence à lui parler de trompe, de trucs phalliques. J'ai amené la chose discrètement là. Vas-y, tu fais chier là, tu fais casse-moi. Ouais, j'ai tout entendu là. Ouais, mais sinon, maintenant que t'es au courant. Maintenant que t'es au courant, tu me files ton anus? Non. Allez, tu me le prêtes? C'est du tabac? Merci. Est-ce que tu veux... Est-ce que t'aimes bien James Brown? T'es James Brown. Brown. T'aimes bien James Brown? James Brown. Brown. Brown. Brown. Brown. Brown. Brown. Brown. Brown. Brown. Brown. T'as écouté son dernier album? Il est sorti il y a pas longtemps. Tu veux que je te fasse écouter? Ah, c'est trop bien. C'est comme ça, non? Tu peux répéter ce truc? Ah, c'est trop bien. Alors, c'est comme ça. Ouais. Je vois un connaisseur, tu es fin. Non, c'est pas moi. Dans le discursif, tu fais quoi? Je sais pas. Alors, à l'école, j'ai étudié un tableau. Non, c'était pas un tableau, c'était une gravure de Donatello de Saint-Georges chassant le dragon. Alors, c'est une gravure qui est située à Florence, qui a été réalisée durant le Quattrocento, c'est-à-dire le 15e siècle. Et c'est très joli. Alors, on voit donc Saint-Georges représenté avec une armure et sur un cheval. Et avec comme... comment on appelle ces trucs de joute là, tu sais, les trucs de cheval. Et qui, le cheval se cambre, il fait yaaah comme ça. Et il attaque un dragon, mais c'est un peu abîmé, on le voit plus trop bien. Et pour sauver une princesse, parce que la princesse elle est en danger. Et du coup il la sauve et il attaque le dragon. Et c'est bien parce que c'est une ronde de boss. Et en fait c'est le début de la perspective. Du coup c'est assez intéressant. C'est nuisance, l'émission qui nous encense, l'émission de toutes les nuisances. FM ou canotique.net. Thank you. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Nuisance, c'est enfin fini. Nous sommes libérés d'une merde. Une émission à chier sur la radio qui est pourtant bien d'ailleurs. Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, radio toulousaine. Anciennement Radio Barbe Rouge, pour ceux qui s'en souviennent. Je n'en souviens pas moi-même. Je vous laisse avec un PC de diffusion ampli, d'éclectisme, de flatulence, pardon, non, de variétoche et de quelques trucs bien des fois.